Leçon 7B, exercice 7, jeu de son. 1. Une cuisine. 2. Avec. 3. Ça. 4. Merci. 5. Un ascenseur. 6. Crier. 7. Compter. 8. La réception. 9. Mince. 10. C'est. 11. Un cadeau.